Les joueurs coréens qui avaient participé à la compétition verte de patinage artistique pour la Coupe Asie 2016 ont regagné le 10 la patrie par train. Rappelons que Lyum Dae-ho et Kim Joo-sik ont obtenu les médailles d'or en couple pour adultes, alors que Park So-hyun et son ami ont reçu les médailles d'argent. Roh Hyun-mi s'est classé deuxième à l'épreuve simple dame de la deuxième catégorie junior et Han Gum-chul troisième à l'épreuve simple messieurs junior.